Bonjour, bienvenue sur Radio Gamozo, ravi de vous retrouver dans l'émission Drôle d'expression et questions délirantes. Je continue de décrypter les expressions qu'on utilise et les questions qu'on se pose dans nos têtes et toujours dans la bonne humeur, bien sûr. Drôle d'expression et questions délirantes, épisode 18, c'est maintenant. Tout de suite, une expression, avoir la chair de poule. Avoir la peau qui se hérisse, frissonner. Cette expression renvoie l'aspect de la peau de la volaille après qu'elle a été plumée. De longue date, la ressemblance entre la chair de poule déplumée et la peau d'une personne qui se hérisse sous l'effet du froid ou la frayeur a frappé les esprits. En termes savants, la chair de poule est un réflexe pilomoteur. Ces termes où l'on retrouve l'ancêtre latin pilus poil mettent en évidence le rôle d'un muscle minuscule situé à la base de chaque poil et dont la contraction entraîne le redressement. Cette contraction musculaire produit de la chaleur et permet ainsi de lutter contre le froid qui est le plus souvent à l'origine du frisson. Réchauffement tout aussi nécessaire quand on frissonne de peur. Ne dis pas à ce moment-là que ça fait froid dans le dos. La réaction en série fait quant à elle référence à la peau de l'oie. Image qu'on le retrouve en anglais dans l'expression « to get goosebump », littéralement « avoir les bases d'oie ». Il n'est ainsi pas surprenant que Goosebumps, une série de livres d'horreur pour la jeunesse de Robert Laurenstein, ait été traduite en français sur le titre « Chair de poule ». S'agissant du mot d'horreur justement, il est encore question de hérissement. Le mot vient du latin « horror »,« horroris » qui signifie « frisson d'effroi, hérissement ». Quant à hérissement lui-même, il vient d'hérissus, qui veut dire « hérisson ». Encore un animal dont les poils se dressent lorsqu'il panique et veut se défendre. La peur nous a fait dresser les cheveux sur la tête et le froid de canard nous donne la chair de poule. Voilà de quoi devenir complètement chèvre. Je cite « Tu es malade ?» a demandé Poussy. Pousse a répondu par un grognement. Sa respiration sifflait un peu plus fort que tout à l'heure. Quand Poussy a pris son bras pour l'aider à s'asseoir, elle a vu sur sa peau tous les poils hérissés, comme quand on a la chair de poule. Jean-Marie Le Clézo, tiré de La Ronde et d'autres faits divers chez Gallimard, daté de 1982. C'est le moment de la question délirante. D'où provient le sable? Il existe des plages de sable blanc, brun, noir, rose, vert de galets, etc., etc. Et forcément, tous ces sables ne viennent pas du même endroit. Le sable est résultat d'une érosion, d'une monture de longue et intense par le temps, l'eau et le vent. Il peut prévenir de falaises de la roche qui entoure les mers, les fleuves, les rivières, les lacs. Partout où il y a du minéral et de l'eau, du sable peut se créer. Ces morceaux de roche sont ensuite brassés par l'eau, les courants, le roulement des vagues, jusqu'à ne devenir que des petits grains de sable. On parle de morceaux de roche, c'est généralement valable en France métropolitaine, mais le sable blanc résultat de l'érosion des coraux. Le sable noir qu'on retrouve sur certaines plages de la Réunion et de la roche volcanique elle-même noire. Quoi qu'il en soit, peu importe la couleur du sable et de sa situation, il provient forcément de l'érosion et du broyage naturel d'une grosse quantité de minéraux. Quand vous vous promenez sur une plage, vous traversez des montagnes, vous foulez des falaises datant, méga stylé. Voilà, c'est tout pour cette semaine et c'est déjà pas mal. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur les expressions et les questions délirantes sur Radio Gamozo. Passez une très belle journée. Salut !